Hermès. Un jour, j'ai pris conscience de la décadence du monde, la décadence de l'homme. Et depuis, j'ai du mal à me dire que l'homme a un avenir. Un jour on sait qu'il va finir par s'auto-anéantir. Mais rien à faire, il préfère pas faire le monde. En quête d'affaires, de pute, de coke et d'after. Tout pour le superficiel, il n'y a plus de place pour les valeurs. Il voit des gens au bord de la mort, mais pour la vie n'a plus de valeur. Peut-être qu'un jour, enfin on comprendra. D'ici là, je souhaite encore que quelque chose on apprendra. Ouais, c'est pas gagné, je vois trop de gagner. Nier sans cesse l'évidence d'une vie sans existence. Je fais confiance à mon destin et je le façonne à ma façon. Conscient, faire mon propre dessin, j'ai vu le signe dans le ré mi fa sol. Tu t'en sors ? Profites-en pour faire le point. Je sais que ce n'est pas facile et que le changement ne se fera pas demain. Mais tout le monde s'en tamponne, tout part en vrille et ça t'étonne. Ça boit des litres, ça fume des connes et on se plaint que nos cerveaux déconnent. Pourquoi on se plaint et on en a jamais rien à foutre ? Dis-moi. Espèce humaine, mon frère. Putain, en plus, on veut toujours tout savoir sur la vie. On croit toujours tout savoir. En fait, on croit connaître le monde, mais on ne se connaît pas soi-même. C'est de merde qu'on nous inonde et je vois que tout le monde aime. Voici l'homme moderne qui tuerait pour un modem. Se prenant pour un modèle sans émotion quand y'a mort d'homme. Plus rien ne l'atteint, il ne sait même plus ce qu'il attend. Avec les siens, il est hautain. De plus, il croit tout ce qu'il entend. Perdu, sans raison, dans une vie faite d'illusions. Agit, causeur qui résonne, nageant dans le bonheur illusoire un jour. Ça va, le lendemain rien ne va plus. Tu peux prendre un coup de savate parce que ta tête n'a pas plu. Se laisser porter par le vent ne veut pas dire être une girouette. Il faut prendre les devants, ne plus être une marionnette. Une vie c'est tout ce qu'on a, je comprends pas qu'on profite pas, qu'on baisse les bras face au combat. Ne vois-tu pas que la liberté fait profil bas? Faut croire que non, sinon on te pèterait pas un plomb et on passerait que de bons moments. Des bons moments? Bah ouais. Tu crois encore? Bah ouais. Hein? Bah ouais. Hein? Non. Hein? Arrête. Hein? Non. Hein? S'il te plaît, arrête. Je pète un plomb, dis-moi comment croire en l'homme. Tout ce qu'il veut c'est que tu tombes pour le pouvoir des gommes. Il te dira rentre dans les rangs. Toi jeune sans but t'es rang ignorant. Si un jour t'apprends c'est simple, il te bute tes rangs. Oui le monde est sain comme une prothèse en silicone. Matériellement atteint, il fabrique ainsi les clones. Le superficiel règne et le spirituel saigne. Il nous ment pour qu'on les craigne et le peuple se prosterne. Un jour ce sera trop tard si ça ne l'est pas déjà. Tous la tête dans un trottoir, on limite les dégâts. Allez dégage, j'ai vu que je voulais ça. J'étais des tueurs à gages, cité sur des milliards de pages. Alors je m'écarte de vos débats. Loin, à chaque passage, c'est ma vision que je déballe. Conscient que dans la vie je débarque. Enfant qui vit au jour le jour, je pense à tout faire péter tout. Car je sais qu'un jour, nos enfants vont le regretter. J'en ai marre de briller, avoir du négatif partout. Hermès, donne-moi du positif. Du positif? Je vais te montrer la vision positive que j'ai de ce monde. Et si un jour tout se mettait à péter, l'homme a ce putain d'appétit, car l'argent l'a abatté, peu de sympathie. Pour supporter t'as intérêt petit à être un loup parmi les loups, prendre des drogues thérapeutiques. La terre hypothéquée par Wall Street, le fils des grandes banques amène à des lois strictes. L'argent dirige les hommes, mais les hommes rédigent des lois. Celui qui gère l'argent a toujours dit longueur d'avance sur toi. Nos cerveaux en mode veille, les médias nous endorment et la pub nous vend du rêve, on dérive. Dans ce navire qu'est la vie, ravi par nos vies, sur les rives de nos envies. On en veut toujours plus, ou bien prendre plus de place. Les gouffres se creusent, pour grimper on s'écrase. Et diront c'est la crise, mais qui l'a voulu, tout ça changera. Si et seulement si nos consciences évoluent. Ouais bah justement. Quoi? Les consciences apparemment elles sont pas prêtes d'évoluer, tu crois pas? Ah non, on a le temps d'attendre encore hein. On est un peu dans la merde. Ça je te le fais pas dire. Et t'as des idées toi ou pas, hein? Pour ça il faudrait que tout le monde change soi-même et personnellement. Avec un peu de chance, un jour ça arrivera. Un jour, on a qu'à l'attendre ce jour. Patrax Prod, RMS Record, Wazakrou.